Capidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. C'est parti. Salut Lynn. Salut Alexandra. Alors, oui, alors aujourd'hui on va parler de plein de choses, et juste peut-être pour commencer, parce que ça va être bondé de références à tout plein de choses, vous trouverez tout sur le post-pod qu'on mettra en lien sur le site. Tout à fait. Toutes les références. Oui, alors moi, j'ai acheté, toi tu connais Alessandra, l'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Oui. T'as déjà lu quelque chose d'elle ou... Je l'ai écoutée. Ok. Oui, parce qu'elle a un TED... T'as écouté le TED Talk. Donc en 2012, elle a donné un TED Talk qui s'appelle « We should all be feminists ». Où elle parle de son expérience en tant que féministe africaine et aussi de construction de genre et de sexualité dans nos sociétés. Mmh. Et c'est vraiment assez chouette parce qu'elle réussit à partir de l'expérience personnelle pour mettre en lumière des structures de discrimination plus larges. Oui. Donc ça, vous pouvez trouver sur YouTube. Enfin bref, mais en 2014, elle en a fait un essai de ce TED Talk, donc vous pouvez le trouver aussi sous forme écrite. C'est un peu adapté, mais ça change pas grand-chose. Et cette année, Folio, bravo Folio, a décidé de le traduire en français. Malheureusement, « We should all be feminists » est devenu « Nous sommes tous des féministes ». Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Donc chez Folio, est-ce qu'il n'y a que des mecs qui sont féministes? Bah, peut-être c'est à eux que ça s'adresse. Ouais. Et aussi, encore, une dernière petite remarque par rapport à ça, c'est que donc, c'est les publications 2 euros chez Folio. Chez Folio, excusez-moi. chez Folio. c'est publications à 2 euros chez Folio. Et en fait, « Nous sommes tous » est écrit en géant et « T'es féministe » en tout, tout petit, pour pas se faire repérer dans le bus. Mais c'est un peu un problème, ce « all », parce que comment on le traduirait en français? Il faudrait mettre « toutes et tous ». Ouais, « Nous sommes toutes et tous des féministes ». Mais bon, même « Nous sommes tous des féministes », ça correspond pas du tout à « We should all be feminists ». Nous devrions, que, oui, déjà. Nous devrions... Nous devrions être féministes. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que le tous, ça donne... Enfin, le oui, all, c'est un problème. Ouais. Mais alors, comment ça se fait qu'il y ait ce tous à la place de... Alors, c'est notre cher, ou plutôt pas cher, masculin universel qu'on utilise dans la langue française. Parce qu'en fait, c'est une manière de s'adresser aux hommes et aux femmes qui est vraiment agressive quand on est une femme. Il y a vraiment la sensation qu'on ne nous parle pas. Donc, on est allé creuser ce sujet. Ouais. Et du coup, pour justement contrer, ou en tout cas faire réfléchir sur l'emploi du masculin universel dans la langue française, il y a des féministes, des linguistes féministes, ou des féministes non linguistes, qui ont développé une formulation, ou plutôt des formulations, de langage non sexiste, qu'on appelle aujourd'hui langage épicène. Et... ouais, l'enjeu du langage épicène, c'est de visibiliser les femmes, d'instaurer une égalité entre les sexes dans le langage parlé et écrit, et ainsi défendre une vision globale de la société. Oui. Ou plus globale, en tout cas. Des fois, ce terme d'épicène, il me questionne un petit peu, parce que, en fait, la définition d'épicène, c'est se dit d'un nom, d'un pronom, d'un adjectif qui ne varie pas selon le genre. Donc, un exemple, c'est l'enfant ou la personne... mais j'aime bien aussi le terme de langage non sexiste ou égalitaire, plutôt égalitaire pour être donc quelque chose de constructif. Voilà, même si c'est effectivement sous épicène, langage épicène, que vous trouverez la plupart des référencements internet à des guides de rédaction qui sont assez nombreux. Ouais, bah, en Suisse, il y a plusieurs guides parce que souvent, les universités en ont, ou on peut aussi peut-être trouver au bureau de l'égalité de la ville. Oui, tout à fait. Ou du canton, ouais, c'est du ça, canton, du canton. Ils en ont publié. Et après, la Confédération aussi, on a, et souvent on peut les télécharger sur Internet. Après, c'est vraiment assez lourd à lire. Un peu rébarbatif, ouais. Tu dis. Mais du coup, toi, Alessandra, t'as déjà utilisé ou tu utilises le langage épicène? Ben, en fait, ça fait depuis quelques années que j'essaye d'être en adéquation avec ma manière de voir les choses et ma manière de m'exprimer. Donc en fait, j'ai essayé de trouver des astuces, des choses à faire. Et le summum dans mon parcours académique, c'était de choisir, en explicitant mes motivations en début de travail, de rédiger tout un travail au féminin universel. Et c'était incroyable comme sensation. Parce que mon but, c'était de montrer à quel point le masculin universel pouvait être heurtant. Parce que quand on change et qu'on fait le féminin universel, c'est frappant comme tout d'un coup les hommes disparaissent. Donc c'était ça que je voulais mettre en lumière. Et je dois avouer, mon plus grand problème, c'était j'avais un peu un sujet où il y avait entre guillemets des gentils et entre guillemets des méchants et des méchantes. Et ça a été très dur de féminiser en absolu les méchantes. Donc voilà, aussi une bonne remise en question personnelle. Et donc toi, tu l'utilises? Ouais, moi je pense, j'ai vraiment commencé à l'utiliser plus ou moins quand j'ai commencé le master en études genre, parce que justement avant, je pense que j'ai essayé, j'ai fait des petits essais maladroits comme ça, de l'employer, mais c'est vrai que si on ne sait pas comment l'utiliser et quelles sont les règles et quelles sont les différentes modalités en fait. Bah, c'est difficile en fait, surtout dans un milieu académique où moi par exemple j'ai fait un bachelor en histoire de l'art et histoire des religions, et il faut avoir une belle écriture quelque part, enfin Oui, une belle oui. écriture, disons. Enfin, Non, mais voilà. c'est quelque chose qui compte. Mais est-ce que tu sais un peu, toi, comment ça se passe historiquement, ce masculin universel? Ça a toujours été comme ça, tu sais? Tu sais ce On que je va sais? Non, recommencer. attends, on continue, mais tu sais ce que je sais? C'est Non? que toi, tu vas nous expliquer maintenant. Je viens d'amener. Je me pose ma question. Ben oui, en fait, c'est... La langue, comme tant de choses, eh ben, elle a toute une histoire. Et en fait, on évoque ces transformations à l'époque du XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, c'est un peu l'aboutissement de plusieurs siècles de conversations sur le rôle social des femmes dans la société, qu'on appelait après la querelle des femmes. Qui est un drôle de mot parce que c'est pas la petite bataille. C'est ça, c'est pas les femmes qui se querellaient, Non. mais des hommes et des femmes se querellaient publiquement à propos de la place sociale des femmes. Ouais. Enfin, ce que moi j'avais compris, c'était que c'était plus des hommes qui se querellaient. Difficile ce mot Oui, pour moi. hein, oui. par rapport à la faculté des femmes à être régente ou non, Alors à ça, gouverner. c'était un des champs, le rapport des femmes et du pouvoir. Mais il y a eu toutes sortes aussi d'expressions féminines dans la littérature, etc., qui ont pris part à ce débat. Ok. Mais tout ça pour dire qu'il y avait une transformation culturelle, en fait, qui était en place et qui fait qu'au XVIIe siècle, c'est un peu comme une évidence que le masculin va de soi. Et au même moment, il y a la création de l'Académie, en fait, en 1635. Donc de l'Académie française. Alors voilà, oui, précisons, on est dans un contexte français, même si cette querelle des femmes, elle s'est répandue dans toute l'Europe. C'est vrai que là, on parle de la langue française et donc de l'Académie française. Bon, précisons aussi que cette académie, elle a resté composée exclusivement d'hommes jusqu'en, tu sais ça? 1981. La première, c'est... Marguerite Yourcenar. Yes. Ouais, j'ai 80, mais peu Ah, importe, dans les 80, années excuse-moi, j'étais 80, sûre que ouais. c'était 80, pardon. Et puis juste au passage, dans mes recherches, je suis tombée sur un article du Monde, du journal Le Monde, qui précise, c'est un article qui date de 2012, donc pas si ancien, que, je cite, bien que les femmes aient massivement investi le monde du travail, la dernière édition de son dictionnaire considère encore qu'une présidente n'est pas une femme qui exerce les fonctions de président, mais l'épouse d'un président. Yeah, Wow. 2012, donc voilà. Donc ça, c'est le dictionnaire de De l'Académie française. l'Académie. Ah ouais. Donc il y a, voilà, il y a un peu tous ces événements à la fois institutionnels avec cette création de l'Académie, culturelle, qui amènent une transformation de la langue. Est-ce que Ouais, dis-moi. je peux dire là juste que tu sais qu'il y a une société littéraire à Genève qui est toujours non mixte? Et pourquoi changer? Et pourquoi changer? Hein, quand on leur pose cette question, c'est d'ailleurs une page Facebook qu'il vous faut aller consulter au plus vite. Pourquoi changer? Mais c'est la réponse qu'ils ont amenée à cette question sur la non-mixité, hein. On est bien comme ça. pourquoi changer. Ouais. Ben on va leur dire pourquoi changer. Ouais, ouais, c'était un article dans la Tribune de Genève, si jamais. Enfin bref, revenons à nos épicènes. Mais je pense que c'est plus clair si on évoque cette transformation du langage avec des exemples. Donc, il y a par exemple la remise en question de l'accord de proximité au XVIIe siècle. Cet accord de proximité, en fait, il stipule, je cite, que l'accord en genre et en nombre de l'adjectif, du participe passé, du verbe, se fait avec le substantif le plus proche. Je vais donner un exemple. Donc, il est très classique cet exemple, mais parce qu'il est révélateur. À l'époque, avant le XVIIe siècle, on disait « un chien et 100 jeunes filles sont heureuses ». Et à partir du XVIIe siècle, ça restera courant jusqu'à la Révolution française, mais le changement s'opère à partir du XVIIe. Aujourd'hui, on doit dire « un chien et 100 jeunes filles sont heureux mmh. ». Voilà, donc ça, c'était vraiment une grande transformation. Alors qu'en fait, avant, vous pouvez toujours utiliser, hein, d'ailleurs, l'accord de proximité, qui est, si vous voulez être... Françaisement, académiquement, correctement correct. C'est toujours en fait admis par l'Académie française. Donc en fait, donc ce qui, comment l'utiliser, c'est que vous placez le nom auquel vous voulez accorder le verbe, ou l'adjectif à la fin. Donc 300 femmes et un chien sont heureux, et un chien et 300 femmes sont heureuses. C'est ça. Donc ça laisse une marge de manœuvre, c'est assez fluide en fait, dans le texte on peut jouer avec l'un ou l'autre. Et puis il faut quand même, alors si c'est accepté par l'Académie justement, ça s'est perdu, l'usage s'est perdu depuis la Révolution française, donc c'est peut-être bien, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais quand j'écris des articles. Oui, c'est mettre une petite note en début. Que dans ce texte, l'accord de proximité est utilisé. Mais c'est vrai qu'il est très agréable. Il y avait un autre exemple de transformation, c'est que, aussi jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on accordait le participe présent. Je vous donne un exemple. En 1709, on trouve cette phrase, je la cite, « Les dernières œuvres de Monsieur Scarron contenantes plusieurs lettres amoureuses. Hein? » Donc là, c'est accordé avec lettres, c'est ça? C'est ça, avec œuvres. « Les dernières œuvres de Monsieur Scarron contenantes plusieurs lettres. » Donc voilà, on accordait ça avant, jusqu'au XVIIIe. Ok. En 1690, on trouve aussi des exemples d'accords du pronom attribut. Alors, de nouveau un exemple. Il porte exprès des perruques brunes et il dit partout qu'il a 35 ans pour m'empêcher de paraître aussi jeune que je la suis. Ok. Et ça, vraiment, ça m'a sidérée. J'ai jamais réfléchi à cette expression, à cette construction grammaticale « je le suis ». Ouais. Elle m'avait jamais interrogée. Ouais, c'est vrai. Hein? Pardon, en fait, je viens de m'interroger maintenant. Ouais. Donc voilà, ces différents exemples pour montrer à quel point le masculin universel a commencé à se mettre en place dès le XVIIe. Et à ce sujet, en 1676, le père Bouhours, qui est un des grammairiens qui a œuvré à ce que cette règle devienne exclusive de tout autre, l'a justifié comme ça. Il disait « Lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. » Et c'est là qu'on en vient à évoquer justement le lien entre langage et genre. Cette fois, non pas le genre grammatical, dont on peut dire les genres grammaticaux, mais le système de genre. Yes. Bah oui, c'est intéressant de lier le langage à la construction du système de genre, parce que, en fait, le système de genre en lui-même... construction sociale qui forme à la différence des sexes, qui produit des catégories, hein, féminin, masculin, homo, hétéro, des catégories hiérarchisées. Bon, c'est un système qui se construit notamment culturellement. Et le langage, c'est un des outils de cette construction. Ouais. Et à la fois, c'est un outil qui lui-même, on vient de le voir, a été traversé par le genre. Parce que c'est bien parce qu'il y avait une situation sociale et politique particulière ou qui a évolué par rapport aux femmes, que le langage, en miroir, s'est transformé vers cette masculinisation, en fait. Et par rapport à ça, il y a un philosophe qui s'appelle John Austin, qui dans les années 60 a écrit un ouvrage qui s'appelle « Quand dire, c'est faire ». Et il évoque ce terme de la performativité du langage. Ça veut dire que le langage réalise lui-même ce qu'il énonce. De nouveaux petits exemples pour que ce soit plus limpide. Ben, par exemple, quand il y a un contexte bien défini, qui peut être celui d'un tribunal, lorsque une ou un juge déclare d'une personne qu'elle est coupable ou innocente, ça va avoir une action très concrète sur cette personne. Ensuite, il y a un autre exemple, c'est que ce soit à la mairie, c'est à la mairie que ça se passe, quand deux personnes se marient et qu'on déclare « vous êtes mariés », eh bien, c'est une phrase qui fait ce qu'elle dit, c'est qu'à partir de là, civilement, administrativement, ces deux personnes sont unies. Ouais. Et quand on évoque les questions de genre, on pense souvent à cet énoncé qui se fait dans le cadre d'un examen échographique ou à la naissance de « c'est un garçon, c'est une fille ». Et c'est à partir de là, en fait, que cette phrase va initier le processus de fabrication genrée de ces bébés. Ouais. Qui va faire des hommes ou des femmes. Ouais. Donc c'est vrai que quand on entend depuis l'enfance dans les cours de français que le masculin l'emporte sur le féminin, du coup on comprend mieux la puissance de cette expression et puis sa violence sexiste. Ouais. Et quand on entend que 300 femmes et un chien sont heureux et c'est comme ça, et ben c'est dur. Et ben du coup on a envie de transformer les choses puisque on a bien le droit de les transformer puisqu'elles ont été transformées à une époque. Et ouais. Donc c'est qu'on peut aussi agir là-dessus. Parce qu'il y a plein de fois, on peut s'interroger, dire, mais est-ce que c'est vraiment une plus-value de dire si c'est un homme ou une femme ? Ou bien d'utiliser des termes, justement, qui pour le coup, soient épicènes. Donc, les personnes, les membres d'essayer de tricoter comme ça pour s'extraire de ces catégories de sexe. Ouais. Ouais, c'est des exercices à faire, en fait, qui finalement sont assez chouettes. De se dire, comment je vais pouvoir... combien de phrases est-ce que j'arrive à écrire avant... que je sois obligée de dire que je parle d'un homme ou d'une femme ou d'homme et de femme. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est tout à fait ludique, comme tu le dis, parce que c'est une manière de se donner un cadre pour être créative. Ouais. C'est pas quelque chose qui enferme, mais c'est au contraire quelque chose qui amène d'autres réflexions. Ouais. Mais après, je voulais aussi... Après, on va passer au suivant, là, parce qu'on commence à s'éterniser, mais j'avais une petite réflexion par rapport à encore... les critiques en fait qu'on peut rencontrer quand on utilise le langage épicène parce que du coup souvent ça va être que ça va dénaturaliser le langage, ça va le déformer, oui. C'est pas beau, c'est pas comme ça que ça doit être. Mais après je dois aussi dire que en fait le langage tel qu'il est aujourd'hui, donc l'utilisation du masculin universel, quelque part ça dénature aussi la réalité qui est celle d'une société composée et de femmes, et d'hommes, et de différentes identités de genre, d'expression de genre, et que le langage, tel qu'il est aujourd'hui, n'arrive pas à rendre compte de ça. Donc je pense que les transformations sont plutôt les bienvenues. Donc maintenant, petite ou grande actualité genevoise et internationale. Donc le 13 octobre dernier, c'était jeudi, l'ONU a élu son nouveau secrétaire général, Antonio Guterres, qui est ex-premier ministre portugais. Et il était aussi chef du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une question d'actualité. Question d'actualité et je pense aussi une grande raison de son élection ou sa nomination. Donc il va entrer en fonction en janvier 2017. Et moi, pourquoi nous on voulait un peu parler de ça, c'est que Antonio Guterres est connu pour sa position contre le droit à l'avortement. Ce qui est étonnant, c'est que lors du processus de sélection au poste de secrétaire général à l'ONU, il semble que cette position qu'il a contre l'avortement, ça n'a pas du tout été relevé. Et bon, je trouve déjà très grave, et étant donné que Ban Ki-moon, qui est donc l'actuel secrétaire général, qui a fait deux mandats, donc depuis 2007 jusqu'à 2017, Il a beaucoup œuvré pour les droits des femmes, pour les droits LGBT. Et même si ça ne s'est peut-être pas mis en place au sein même de l'organisation de l'ONU, qui, toi, tu avais des chiffres... En fait, dans les postes à responsabilité, sur 10 postes, 9 sont occupés par des hommes. Ouais, ok. Donc, ouais. Il y a du boulot encore là-dedans, mais quand même, il a réussi à créer UN Women, par exemple, qui est donc un organe qui s'occupe uniquement des droits des femmes. Mm-hmm. Et puis aussi des campagnes ciblées pour les droits LGBT comme Free and Equal, par exemple. UN Women, c'est 2010, la création, si jamais. D'accord. Et puis aussi, Ban Ki-moon, en fait, en vue de l'élection... De son remplacement. De son remplacement, il a dit qu'il aimerait qu'on privilégie les candidatures féminines, enfin de femmes. Et pour le coup, je crois qu'il y en avait deux qui arrivaient assez loin dans le processus de sélection. Il me semble, je ne saurais pas dire le nom. Et qui n'ont pas été retenus. Et voilà, aussi, il y a des militants et militantes LGBT qui, en ayant eu vent que Guterres allait sûrement gagner, sûrement avoir cette nomination, ont élevé leur voix en disant « mais c'est inadmissible ». Parce que Guterres, en 95, à la télé publique portugaise, a tenu des propos hétérosexistes. Mmh. Et puis, il a apparemment fait un lien aussi entre homosexualité et maladie mentale. Mmh. Et le fait que... Je veux dire, ça, c'est il y a plus de 20 ans maintenant. Mais le fait que ça n'ait même pas été questionné, ni par les médias, ni par l'ONU de manière interne, J'ai de la peine à comprendre parce qu'ils sont quand même créés toute cette sorte de... Du coup, alors c'est une façade, quoi, où ils œuvrent pour les droits LGBT et les droits pour les femmes, mais finalement, parce que disons que quand même secrétaire général à l'ONU, c'est le plus haut poste qu'on peut y occuper et c'est quelqu'un qui a de l'influence au sein de l'organisme. Ouais, et puis qui... Mais du coup, tu vois, il y a un autre élément qui est sorti quelques jours avant. Qui confirme le fait qu'il y a une dimension vitrine de ce discours, c'est qu'en fait, le 28 septembre, il y a une journée mondiale d'action pour l'accès à l'avortement. Mais en fait, ce n'est pas une journée qui est officielle auprès des Nations Unies. Donc en fait, ça fait depuis 1990 que pour la première fois, des gens ont formulé la demande d'officialiser cette journée. Et en fait, l'ONU vient de refuser une nouvelle fois cette année. Et en fait, donc, concrètement, c'est 430 ONG qui ont écrit une lettre qu'ils ont envoyée justement à Ban Ki-moon, et puis qui citent des chiffres qui sont vraiment atroces, comme le fait que chaque année, il y a environ 44 000 femmes qui meurent lors d'IVG à risque. C'est comme ça que... À risque et clandestin, enfin illégal. C'est ça, c'est que l'aspect illégal, clandestin, est nommé à risque, en fait. Okay. C'est quand il est... C'est ou légal et sûr, ou à risque. Ah, voilà, ok. D'accord. Et ces femmes qui meurent, elles représentent 15% de la mortalité maternelle. Et puis aussi, on ne meurt pas forcément dans ces IVG à risque. Les femmes ne meurent pas forcément. Mais elles peuvent. Disons que dans les pays dits en développement, il y a 7 millions de femmes qui sont traitées pour des complications graves à la suite de ces opérations. Chaque année ? Ouais. Ça, c'était une statistique de 2012. Et puis justement. Le droit d'avorter, en fait, n'est pas considéré comme un droit fondamental dans les textes onusiens. Ça fait depuis 1994 que l'ONU a décrété que c'est les législations au niveau local ou national qui peuvent être modifiées sur ces questions. Donc, en fait, voilà, une non-intervention au niveau structurel. Et avant que... Parce que je sais que tu as encore un petit commentaire, mais j'aimerais juste dire que... en fait... Sur le site de l'ONU, pour décrire la fonction même du secrétaire général, c'est que le secrétaire général doit incarner les idéaux des Nations Unies et représenter les peuples du monde. Aïe. Et du coup, en sachant que l'illégalité de l'avortement ou du droit à l'avortement entraîne presque 50 000 morts par année, est-ce qu'on peut vraiment être... anti-avortement et tenir ce poste de... Enfin, d'incarner les idéaux des Nations Unies et vraiment de représentant des peuples, je trouve. vraiment, et est-ce qu'on peut vraiment être sélectionné sans même être questionné là-dessus, je trouve. Enfin, apparemment, on peut, puisque ça c'est arrivé, mais je suis très... je sais pas, je suis vraiment outrée quand j'ai appris ça, je suis là, mais mon Dieu. Et le fait que personne ne l'ait relevé, c'est terrible. Mais pardon, je t'ai coupé. Non, mais dis pas pardon, on enlèvera pardon. Mais tu vois, justement, il y a encore un autre événement propre à l'ONU qui peut être mis en lien par rapport à leur manque d'implication quant aux transformations structurelles pour les droits des femmes. C'est que, en fait, il y a ça fait une sorte de boucle qui se boucle. C'est que l'ONU en vient de choisir, en fait, pour être l'ambassadrice d'une campagne en faveur des femmes et des filles dans le monde, le personnage de Wonder Woman. Alors, de prime abord, ça paraît cool, issu de la pop culture et tout ça. Mais bon, en fait, ce personnage, déjà, se rappeler que son histoire l'a fait naître de manière comme ça un peu divine, dans une tribu de femmes genre Amazon, dont la reine est sa mère. Donc elle n'a pas vraiment dû lutter pour son émancipation. Elle ne peut pas vraiment incarner ça. Et puis, c'est dans cet esprit individualiste, un peu à l'américaine, si tu veux, tu peux. Donc il n'y a aucune allusion dans ce personnage à la nécessité de combattre de manière collective ou bien justement de changer les choses autour de soi. Non. C'est comme si on niait la responsabilité des structures sociales et politiques dans les discriminations faites aux femmes. Et du coup, le message un peu donné par l'ONU, c'est un peu « débrouille-toi avec tes propres super-pouvoirs ». Si tu veux, tu peux. Mais oui. Et puis, en fait, si tu veux, tu peux faire un avortement ? Ben non. Ou oui, mais en mourant, suite des complexités. Voilà, ou les super-pouvoirs, en l'occurrence, ça peut être la super-chance d'être né dans un pays où c'est légal, où c'est des super-pouvoirs financiers pour t'exiler, pour aller le faire. Enfin, voilà. Ouais, c'est clair. Et puis bon, de manière générale, il fatigue, hein, ce personnage de Wonder Woman. C'est vraiment, voilà, il donne toujours ce message qu'il faut assurer sur tous les niveaux, être la super-héroïne du quotidien. Puis bon, bah, quelque part, c'est la coincée. Merci, Alessandra. Non, mais c'est agaçant. Ouais. Du coup, toujours une petite volonté de regarder de par chez nous comment ça se passe. Ouais. Parce que c'est toujours bien critiqué ailleurs, mais enfin bon. Donc en Suisse. Et il y a en fait une première loi qui a existé par rapport au droit d'avorter entre 1942 et 2002, qui en fait avait plusieurs obligations pour pouvoir dépénaliser l'IVG. Là, je vais juste citer parce que c'est trop compliqué de paraphraser. Donc en fait, la condition pour que l'IVG soit dépénalisée était un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d'une atteinte grave ou permanente. Et ce terme de santé, en fait, il peut être défini de manière très variée selon les interprétations qu'ont pu leur donner les médecins. Et ça, c'était jusqu'à 2002, c'est ça ? 2002, c'est ça. En plus, il y avait la nécessité d'avoir ce qu'on appelait un deuxième avis conforme. Donc, c'était un médecin qui était qualifié de spécialiste par le canton et qui devait confirmer cet avis du premier médecin comme quoi la santé était menacée pour la mère. Donc, à partir de 2002, ces obligations sont tombées pour passer sous un régime des délais. Donc, c'est que pendant les 12 premières semaines, l'interruption est non punissable. Mais il faut une demande écrite de la femme qui, je cite, « invoque qu'elle se trouve en situation de détresse ». C'est quoi une situation de détresse ? Bah écoute, c'est justement le problème. Si j'ai regardé comme ça la définition, la détresse c'est une angoisse causée par un sentiment d'abandon, d'impuissance, par une situation désespérée, que des choses très subjectives. À noter que c'est une notion qui a été supprimée en fait en France par rapport au droit d'avorter. Juste pour finir. Mais pas en Suisse. Il est non seulement présent, il doit être décrit par la femme pendant les 12 premières semaines. Et après ce délai, après ces 12 semaines, l'IVG est non punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. On y revient. Donc déjà, grande difficulté d'interprétation de ces termes. Et dernier élément dans cette nouvelle loi depuis 2002, c'est que ce sont les cantons qui désignent les cabinets et établissements hospitaliers qui vont être habilités à pratiquer l'interruption de grossesse. Du coup, ça veut dire que, par exemple, dans certains cantons, il y a genre un... un établissement. Ça. Exactement. C'est pour imaginer un peu. C'est qu'en fait, par rapport à cette loi fédérale, au niveau de son application cantonale, les femmes en Suisse, en fait, n'ont pas la même accessibilité à ce droit. Il y a, comme tu dis, l'éventail d'établissements qui existent ou pas. Donc, par exemple, Genève permet à tous les hôpitaux qui ont un département de gynécologie et puis aux cabinets qui en font la demande de pratiquer l'IVG. C'est vrai ? Ah, oui. Wow, ok. Mais par contre, si t'es née à Penzell, moins de chance, parce qu'il y a seul l'hôpital cantonal qui est habilité pour le faire. Donc, en fait, voilà. Donc, dans tout le canton d'Appenzell, il y a un établissement. C'est ça. Et puis, au-delà, donc ça, c'est l'aspect institutionnel, mais il y a l'aspect individuel, donc avec des gynécologues qui vont soit pas y être favorables, donc repousser la décision, dépasser le délai, ne pas proposer une intervention médicamenteuse. Parce qu'en fait, justement, à Saint-Gall, par exemple, il y a la loi qui prévoit vraiment de manière explicite que les médecins peuvent refuser de pratiquer l'avortement, même au sein d'un hôpital public. Donc ce droit de refus en Suisse, il peut expliquer une partie des variations entre les cantons. Et il y a une différence, c'est qu'en Italie, ce droit de... Comment tu l'appelles ? Cas de conscience. C'est quand il y a une loi qui autorise, mais qui n'oblige pas. Voilà. Ben, en fait, les gynécologues qui refusent de pratiquer l'avortement en Italie sont obligés de se signaler. Ouais, ça c'est super, ouais. Bah ouais, ça évite de se rendre chez un gynécologue qui en fait va pas vouloir le faire. Et puis ça permet d'établir des statistiques, voir au niveau des régions comment ça se passe. Ouais. Tandis qu'en Suisse c'est pas nécessaire, donc c'est un grand flou quoi. Donc ça peut être de bouche à oreille. Mais d'ailleurs, c'est super parce que j'ai vu là, alors il y a, est-ce que c'est Feminista, je sais plus, mais une association vaudoise féministe qui a créé un site où on peut. On peut répertorier les gynécos qu'on aime bien. Donc voilà. Ça, c'est hyper important. Ouais, c'est hyper bien. Mais on mettra je chercherai le site et puis je mettrai en lien. Ouais. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je trouve, c'est hyper enthousiaste. Tout à fait. Ça se pratique déjà en France, mais c'est vraiment très bien que ça voit le jour en Suisse. Parce que tu vois, par exemple, juste pour dire encore dans la différence entre les cantons, en Valais, jusqu'en 2005, aucun gynécologue pratiquait l'avortement dans le Haut-Valais. Donc du coup, il y a une sorte d'exode de femmes, le Valais est un des cantons que les femmes quittent le plus à ce moment-là, mais Schwyz, Fribourg, Appenzell, au moment de se faire avorter. Donc en fait, on voit qu'il y a le droit, sous condition, avec cette notion de détresse. Après, il y a l'application du droit, donc au niveau institutionnel, au niveau individuel, comme on l'a dit avant. Et là, du coup, ça pose un peu la question de est-ce que ça reste un droit ? Parce que finalement, un droit, quand je l'ai, je dois demander l'autorisation à personne de l'exercer. Ouais. Et là, c'est tout un micmac. C'est tout un micmac, et puis qu'on retrouve dans le sujet que tu vas aborder maintenant. Mais juste avant de l'aborder, ça m'a fait penser par rapport à ce que tu as dit. Donc moi, j'ai fait le collège en Suisse. Et je me rappelle, on avait une éducation, cours d'éducation sexuelle. Tout à fait. Et il y avait, c'était une dame qui était venue la donner, elle nous a dit, si vous tombez enceinte, vous pouvez toujours avorter, mais quand même, moi je préfère pas, enfin je vous déconseillerais parce que une fois qu'on tombe enceinte, on est quand même responsable. Alors tout à fait. Quand t'as 14 ans, t'es là, ah merde, alors ça sera de ma faute, et puis... Qu'est-ce que le médecin va penser la même chose que l'éducatrice qui est en face de moi ? Ça, c'est de nouveau le problème, parce que cette éducation à la sexualité, c'est à la fois visiblement une des raisons qui fait que la Suisse a le taux d'avortement parmi les plus bas dans le monde, parce que justement, il y a cette prévention qui est généralisée. Et de nouveau, ça, c'est un droit, une obligation. Et puis de nouveau, suivant qui enseigne cette approche, on aura ses valeurs, ces choses comme ça. Mais est-ce que du coup, question, peut-être tu l'as dit, l'avortement c'est remboursé ou pas ? Alors oui, il est remboursé, ça a été discuté en votation, mais heureusement le peuple a refusé. Mais donc oui, c'est remboursé par la LAMAL. Yes. Merci pour... J'ai encore une chose à dire. Vas-y. C'est qu'en fait, il y a un site d'une association qui s'appelle l'Union Suisse pour décriminaliser l'avortement. L'USPDA qui s'est dissoute en fait en 2002 suite à ce changement de loi, et elles ont un site qui existe toujours, je le mettrai en lien, et son ex-présidente Anne-Marie Rey a écrit un petit texte à un moment donné que je trouve très fort en fait pour cette question. Elle dit « L'interdiction de l'avortement est une contrainte à enfanter. La contrainte à enfanter est une forme d'esclavage et de servitude, l'état disposant du corps de la femme. Et donc, c'est une atteinte à la Déclaration universelle des droits humains, qui interdit toute forme d'esclavage et de servitude. » Dernier sujet ? Dernier sujet, on y va ? Yes. Alors moi, je vais continuer à parler de droit de disposer de son corps avec la pilule du lendemain. Donc avant de rentrer dans le sujet, qu'est-ce que c'est que la pilule du lendemain ? C'est un contraceptif d'urgence qu'on prend par voie orale dans les 72 heures qui suit un rapport sexuel non protégé entre hommes et femmes, je dirais, parce que faut quand même avoir le risque de tomber enceinte. Oui. Donc, la pilule du lendemain, elle est disponible depuis 2002 en pharmacie, chez la gynéco et dans les centres spécialisés de santé sexuelle en Suisse. T'as vu, c'est marrant, c'est 2002, c'est la même année que le changement de loi. Ouais. Pour le droit à l'avortement. Ouais, c'est juste. Bon, à creuser. Vas-y. À creuser, c'est clair. Donc, en pharmacie, sans ordonnance, mais par contre, on paye, donc elle n'est pas remboursée. Et juste pour dire aussi que depuis 2015, il y a un deuxième ou une deuxième pilule. Donc avant, il n'y en avait qu'une, maintenant il y en a deux. Et celle de 2015, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle n'a pas d'œstrogène. Ce qui fait qu'on peut la prendre à plusieurs reprises sans que ce soit un danger pour la santé. On peut aussi la prendre pendant qu'on allaite. Il faut juste apparemment arrêter pendant 6 heures d'allaiter. Ce qui n'est pas le cas pour la première pilule en fait, qui existe depuis 2002, parce que là, il fallait faire une pause de 5-6 jours, je crois, d'allaitement. Et donc du coup, ça interroge sur le fait de ce marché. S'il y a des laboratoires qui sont mis à travailler sur cette pilule pour en sortir une deuxième, ouais. Est-ce que c'est un signe qu'il y a beaucoup de personnes qui font recours ? Je sais pas. Ouais, je sais, j'ai pas les infos pour ça. Et aussi dire que l'alcool, en fait, n'a pas d'effet sur... l'efficacité de la pilule. Mais donc, pourquoi on parle de ça ? C'est parce que le 28 septembre, Le Matin, qui est un journal genevois quotidien, oui. A publié un article. Un journal qui d'habitude, dont les manchettes d'habitude font plutôt grincer des dents. Ouais, non mais grincer les dents, enfin hérisser les poils, c'est terrible. Ils sont champions dans le stéréotypage. Quoi, c'est... Uh-huh. Donc, un article dans Le Matin. Écrit par Noélie Genre, une pharmacienne et sociologue, et Yann Marguet, qui lui est sociologue, et qui parle ou qui raconte en fait que des femmes, lorsqu'elles vont acheter la pilule du lendemain en pharmacie, font face à des remarques dégradantes et moralisatrices. La manchette, c'était même des femmes humiliées par les pharmacies. Ouais, c'était pilule du lendemain, les femmes humiliées en pharmacie. Ah ouais, d'accord. Et c'est donc ça, il y a des témoignages dans cet article assez forts, notamment une jeune femme de 25 ans qui raconte qu'elle va en pharmacie et que quand elle dit qu'elle a eu un rapport et à quelle heure c'était, le pharmacien lui dit: ah bah dis donc, matinale la petite. Et puis quand elle achète avec la pilule du lendemain, une boîte de préservatifs, le pharmacien dit encore « Ah ben voilà, je vois qu'elle va remettre ça. » Oui. Enfin, des sortes d'injonctions. De remise à l'ordre, ouais, comme ça. Hein. Terrible. Mais excuse-moi, pourquoi ces questions ? Parce que c'est normal d'avoir des questions ? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, pour celles qui n'ont pas été, qui n'ont jamais acheté la pilule du lendemain en pharmacie genevoise ou suisse, il faut en fait répondre à un petit questionnaire, et ce questionnaire a pour but de voir un peu où en est la patiente ou la cliente en termes de contraception, mais plus à long terme, juste pour pouvoir lui conseiller en fait d'autres... Ah, dans une forme de prévention en ouais, fait. Ouais, c'est ça. Oula, d'accord. Tu reçois et la pilule et le message ouais, c'est clair qui va avec. Ouais. Ok. Bon, moi ça, je vois pas vraiment le... Tu vois, Bon, ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse dire « Merci, je connais tout ce qu'il faut sur le plan contraceptif, c'est juste que là, il y a eu un petit problème. » Voilà, j'ai choisi de faire ça d'une certaine manière. Mais après, imagine que quelqu'un qui ne s'y connaît pas arrive et puis puisse avoir des conseils sur les différentes contraceptions à disposition. Je vois pas pourquoi ce serait... Tout à fait. Alors, c'est tout à fait important, mais est-ce que ça veut dire que finalement, c'est pas une bonne chose d'utiliser cette pilule et pour quelle raison, tu vois? Ouais. Parce que le message, ça veut dire ça. Essaye de te débrouiller la prochaine fois pour que ça ne se reproduise plus. Donc, est-ce que c'est parce que c'est trop fragile, c'est 72 heures, etc.? Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Ou est-ce que, en fait, voilà, la question c'est, est-ce que c'est pas toléré d'être un petit peu youpla boum, tu vois? Qu'est-ce que c'est lu comme ça? C'est que tu fais ce que tu veux, puis après, pouf, tu prends la pilule. Ouais, moi j'ai l'impression, comme tu dis, c'est un peu ce truc, t'as pas le droit d'être un peu youpla boum. Ouais. Si c'est bien. C'est une vieille expression, youpla boum. Non, c'est clair, c'est ce truc... C'est pas ok d'avoir une sexualité, peut-être un peu. Ou de pas la contrôler, pas la maîtriser. Ouais, de pas de la maîtriser. Mais enfin, bref, donc, qu'est-ce qu'on disait ? Le but de ce questionnaire, c'est donc proposer des autres contraceptions, veiller à ce que la santé de la patiente soit pas mise en danger par la prise de la pilule, tu vois, genre, parce que peut-être qu'elle est allergique à des solutions médicamenteuses, oui. Enfin bref. Normal, ça, ouais. Et puis aussi informer sur les MST, donc ça c'est aussi plutôt bien. Oui, parce que du fait, la personne n'a pas utilisé de préservatif, donc ne s'est pas protégée sur ce point-là. Ouais. Ouais. Voilà, mais les questions quand même restent assez intimes. C'est quand remonte le rapport, est-ce que vous avez eu d'autres rapports non protégés les jours avant, de quand remontent vos règles. Mais après, c'est quand même des questions qui restent très basiques, même si ça touche à la sphère intime. Mais c'est aussi là qu'il y a eu des choses mais gravissimes où des pharmaciens... et peut-être pharmacienne, je ne sais pas, on demandait, est-ce que vous avez eu du plaisir ? Oula. Dans quelle position est-ce que... Enfin, des trucs... Faut leur et dire. Et puis aussi des choses genre, ah bah dis donc, c'est pas bien ça, avoir oublié de mettre le préservatif ou... Enfin bref, truc un peu à la fois vraiment intimidant et agressif, et aussi... mais ce truc vraiment de vouloir donner des leçons... à des jeunes filles ou à des femmes, non mais c'est terrible quoi. Bon, mais il y a une bonne nouvelle quand même là, non? Ouais, mais avant de parler de la bonne nouvelle, je voulais juste dire aussi qu'il y a ce truc, il y a quand même un sort de rapport de pouvoir entre quand même le pharmacien et la cliente qui vient faire une demande, et une demande auquel elle a le droit. C'est sûr. Mais il n'y a pas de diagnostic en fait à poser ici. Il y a en fait un produit à vendre, juste s'assurer que la santé de la personne est conforme, tu vois, à la pilule qu'elle va prendre. Mais par-dessus de ça, on ajoute une sorte d'idée qu'on a fauté. Bah, c'est de nouveau cet écart entre un droit, t'as droit à cette pilule sans limitation d'âge. Oui, puis... ça on n'a pas dit sans limitation d'âge, parce qu'en fait en 2012, il y a eu des histoires aussi en Suisse allemande, où plusieurs pharmacies refusaient de vendre à des jeunes femmes de moins de 16 ans, alors qu'il n'y a aucun règlement là-dessus, c'est hyper ok. Apparemment, ce qui est conseillé, c'est juste de les envoyer vers une gynéco, enfin de les conseiller d'aller vers une gynéco, consulter après, mais pas d'aller consulter une gynéco pour avoir la pilule du lendemain, qui est en plus, ça me paraît... mais je ne comprends pas la réflexion, parce que si on a ces 72 heures... bah, faut y aller pour trouver une gynéco en 72 heures. Ça veut peut-être dire faire 10 heures d'attente aux urgences gynécologiques de l'hôpital cantonal. C'est ça, ouais. Mais ouais, je sais pas si tu voulais dire... Non, j'attendais impatiemment la bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, cet article du matin a été déclencheur parce que le président de l'association Pharma Genève, il a... qui s'appelle... Oh non, je ne l'ai pas noté... je crois Jean-Luc Fournier, quelque chose comme ça, on mettra aussi en lien. Il a décidé de faire publier un protocole pour rappeler une marche à suivre strictement pour éviter tout entre guillemets dérapage. Enfin, tout jugement personnel, c'est contre l'éthique professionnelle des pharmaciens. D'accord. Et c'est hyper bien parce que vous pouvez trouver en fait ce protocole sur le web, et en plus, dans ce protocole, il y a un lien vers un enregistrement d'un entretien factice. Ah, comme ça, on peut se préparer à l'entretien. Comme ça, Si vous êtes curieuse ou curieux, vous pouvez aller écouter pour savoir quelles sont les bonnes questions lors d'un tel entretien. Et si vous vous apprêtez à y aller, vous pouvez aussi écouter pour avoir une idée de qu'est-ce qui vous attend et aussi quand est-ce que vous avez le droit de dire non, en fait. Donc déjà, enfin, le protocole et puis avec cet enregistrement, c'est pas mal du tout. Et c'est assez bien joué, à part ça, je veux dire bravo au talent actorial. D'accord, on va voir alors. Mais et aussi en fait, Pharma Genève appelle aussi les clientes à dénoncer les comportements abusifs, donc n'hésitez pas. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment que tout d'un coup, ça crée une discussion publique qui va en fait faire bouger des normes. Bah c'est ça, et puis c'est justement, bah voilà, quand il y a un droit qui est là, il faut que ce droit soit relayé par toutes sortes d'institutions pour qu'il soit vraiment un droit, qu'il ait une dimension donc universelle, qui ne dépend pas de la pharmacie, du pharmacien ou de la pharmacienne, qui sort de toute notion de culpabilité et qui n'a pas besoin d'être justifié. Ouais. Puis je trouve aussi très, très bien en fait que ça... qu'il y a cette discussion qui vient sur dans l'espace public, parce que ça permet aussi d'acquérir les outils pour pouvoir dire non quand la situation elle est abusive, justement pour pouvoir, quand vous achetez la pilule du lendemain et quelqu'un vous dit, le pharmacien vous dit, eh ben dis donc, matinale la petite, vous pouvez dire, alors monsieur, je vais acheter ma pilule du lendemain ailleurs et vous, je vais vous dénoncer. Et que voilà. Mais ce que je voulais dire aussi, dernière petite chose, et je sais, Alessandra me fait des grands signes, on doit couper. Mais en fait, il y a une grande différence de prix suivant les pharmacies de la pilule du lendemain. Et ça peut varier entre 35 francs jusqu'à 50 francs. Donc n'hésitez pas aussi à demander avant. Bon, mais en fait, et dans le langage et dans l'exercice de ses droits, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir, se renseigner et essayer de transformer les choses. Yes! Bon, Lynn, joyeuse quinzaine. Oui, et attends. Le podcast prochain sera transatlantique. Wow. Youhou. Car Lynn sera en Californie du Nord et Alessandra... elle restera chez elle. Alors, bonne quinzaine. Et profite bien. Tchuss. See you. Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Sur notre site internet crépidule.com avec crépidule au pluriel, vous retrouverez notre post-pod avec des propositions d'écriture épicène et d'autres liens sur les thèmes abordés.